La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième volet de notre série consacrée jusqu'à jeudi à Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, retour sur sa vie avec Josiane Savigno. Une semaine Yourcenar entamée hier avec Henriette Levillain qui nous a parlé du caractère aristocratique de cet écrivain qui ne se sentait réellement à l'aise qu'un peu à l'écart du monde. Semaine qui se poursuivra demain avec la traductrice et poétesse Sylvia Baron-Supervielle, avec qui elle a correspondu dans les années 80 et qui lui a rendu visite dans sa maison de Bar Harbor. Elle nous racontera tout cela. Puis demain toujours, Anne-Yvonne Julien viendra nous parler de l'œuvre au noir. Enfin jeudi, nous partirons pour le nord de la France, au Forum Antique de Bavay pour y découvrir l'exposition « Mémoire d'Adrien, une réécriture de l'Antiquité ». Et aujourd'hui, retour sur la vie d'une femme qui a passé la sienne à raconter celle des grands hommes qui l'ont fascinée, comme Adrien ou Zénon, et qui a même cherché à devenir eux pour le temps de l'écriture, à se transporter à l'intérieur de leur conscience et de leur cadre de vie. Démarche que nous allons tenter de reproduire aujourd'hui grâce à Josiane Savigno, critique littéraire et longtemps directrice du Monde des Livres, qui a publié en 1990 la biographie de référence sur Marguerite Yourcenar intitulée « L'invention d'une vie ». Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Je ne suis pas du tout sûr qu'on change. Oui, on change extérieurement. Il y a les expériences qui s'accumulent, il y a la fatigue, etc. Mais je suis de plus en plus frappé que l'essentiel est en nous au départ. Comment s'y trouve-t-il ? C'est une question à laquelle je ne réponds pas. Nous avons tout au départ. J'ai l'impression que nous avons presque tout au départ. Et tout le monde... Mais que ce n'est pas. Ah, ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas étudié la question. Mais j'ai l'impression que nous avons tout au départ, mais en vrac, en quelque sorte. Ce n'est pas encore arrangé, composé, et nous ne savons pas encore ce qu'il y a en nous. Ça se développe un peu à la fois, comme une photographie. Bonjour Josiane Savigno. Bonjour. Alors, est-ce que nous avons tout au départ, comme semble le croire et comme le dit en tous les cas Marguerite Yourcenar, qui serait peut-être plutôt du côté de l'inné que de l'acquis, spontanément? Je dirais pas exactement ça, mais enfin, comme elle a dit, j'ai pas totalement étudié la question. Non, ce qui est clair, en tout cas, quand on regarde ce qu'elle a fait, c'est qu'en effet, dans ce qu'elle appelait les premiers projets de la 20e année, il y avait déjà toute la matrice de son œuvre. C'est-à-dire parfois une nouvelle qui est devenue, qui est par exemple d'après Durer, qui est devenue l'œuvre noire. Et donc c'est vrai qu'elle a passé son temps à creuser, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit je crois qu'on a tout mais en vrac. Et elle, peut-être en effet, elle avait pas mal de choses en vrac et elle les a poursuivies. Et bon, il y a aussi l'histoire assez fascinante de Mémoire d'Adrien qu'elle a écrit, elle a réécrit plusieurs fois et qu'elle a même cru avoir perdu. Oui, mais vous parlez de l'œuvre, mais elle parle peut-être davantage de la personnalité. Elle dit qu'au fond, depuis toute petite, elle savait qu'elle était Marguerite Yourcenar et que par on ne sait quel miracle, elle était Marguerite Yourcenar, mais en tous les cas, elle ne dévirait pas de cette voie-là. Elle dit quand même aussi que, enfin, elle a eu la malchance de perdre sa mère quand elle avait quelques jours, mais malchance qui s'est peut-être transformée en une chance. Parce que, en effet, je ne sais pas si on a tout au départ, et si on a au départ, on va devenir Mozart ou Marguerite Yourcenar, mais ce qui est certain, c'est que, élevée par Fernande de Cartier de Marchiennes, sa mère, comme elle le dit, elle aurait plutôt appris d'abord la broderie plutôt que le latin. On va reparler un petit peu des parents de Marguerite Yourcenar. Qu'est-ce que ça vous fait, Josiane Savigno, de réentendre cette voix? Puisque vous avez passé quand même des années à travailler sur la biographie. Oui, et puis je l'ai connue, et puis on s'est parlé. Et on s'est parlé beaucoup à la fin de sa vie. À quelle occasion? Et ben, j'ai fait, en 1984, j'ai fait un entretien pour le Monde, qu'elle avait apprécié, ce qui m'avait flatté parce que elle vous avait écrit pour elle vous dire. Elle n'était pas. Oui, elle m'avait écrit pour me le dire et elle avait dit et même le chapeau que vous avez fait me sied. Ça devait pas être simple de. J'étais morte de peur. Sierre. J'étais morte de peur. Je crois que j'ai fait 3 fois le tour du. Et elle avait dit que ce serait 2 heures et au bout de 1 quart d'heure, j'ai compris que si par hasard elle n'avait pas vu que je connaissais son œuvre, ça allait être la porte assez vite. Et par chance, comme c'était quelqu'un qui me fascinait depuis toujours, je n'ai pas été jetée. Vous aviez tout relu ? J'avais relu beaucoup. Pas tout quand même, il faut pas. Mais... Et puis ensuite, on s'est revus après la mort de Jerry Wilson en 86. Donc son dernier amant. Compagnon, disons. Ouais. Et puis, je suis allée chez elle en 1987. Et on devait se revoir à l'automne de 1987, puisqu'elle venait en Europe. Et on devait se revoir à Amsterdam, ce qui me plaisait beaucoup. Une balade avec Marguerite Yourcenar à Amsterdam. Et puis, elle est tombée malade et elle est morte. Et qu'est-ce que vous vous racontiez à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on se racontait ? Elle avait une obsession. Elle avait une tristesse d'abord. Elle disait « J'ai commencé ma vie aux mains des nurses et je la finis aux mains des infirmières ». Et elle avait une obsession qui était d'entendre parler le français. Puisqu'après la mort de Jerry Wilson, tout son univers, puisque Grace Frick était morte longtemps avant, en 1979, tout son univers était anglophone. Et elle avait cette espèce de désir fou d'entendre du français. Et d'ailleurs, celui qui est devenu son exécuteur littéraire, Yannick Guillou, je l'ai beaucoup incité, quand Marguerite Yourcenar était à l'hôpital, à y aller parce que je lui dis, je t'assure qu'elle attend que quelqu'un vienne lui parler français pour lâcher la rampe, parce qu'elle sait que c'est fini. Et il est arrivé un matin, il est allé lui parler, et elle est morte le soir. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Marguerite Yourcenar pour votre première biographie, Josiane Savigno ? C'est une drôle d'histoire. Je pensais que j'étais absolument incapable d'écrire un livre, incapable d'écrire une biographie. Et donc, ce Yannick Guillou dont je viens de vous parler, qui est donc son exécuteur littéraire, Et Antoine Gallimard m'ont proposé de faire sa biographie et je leur ai dit qu'ils étaient complètement fous, que j'étais incapable de faire ça, que j'étais incapable de faire un livre, que je n'avais jamais fait, que un article de presse bien sûr, ou peut-être une grosse enquête, mais un livre. Et donc ils ont insisté, j'ai résisté. Et Yannick Guillou, qui est sans doute fin psychologue, m'a dit « Bah écoute, puisque tu veux pas... C'est pas grave, hein. De toute façon, on va la faire. Donc, on va demander à quelqu'un d'autre et tu feras le papier dans Le Monde. » Et là, je me suis dit, oh zut, je vais peut-être dire, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Là, j'ai dit oui. Parce que Marguerite Yourcenar n'aimait pas tellement ce qu'elle appelait la grossière curiosité biographique. Et ça, cette phrase, elle a dû quand même peser sur vos épaules au moment où vous avez d'abord travaillé, enquêté et ensuite rédigé cette biographie. Mais bien sûr, puisqu'il y avait aussi ce truc, puisque je serai la proie des biographes, je vais écrire Archives du Nord où je vais raconter la désertion de mon père parce que, comme je serai la proie des biographes, ils vont s'emparer de moi. Et bien sûr que j'y pensais. Et puis moi, je partageais aussi ces réticences sur la biographie, sur le fait que parfois, il me semble que parfois, des gens lisent des biographies pour se dispenser de lire l'œuvre, et ça, c'est catastrophique. Et donc, je me disais, il faut absolument, si je fais cette biographie de Marguerite Yourcenar, que ça donne envie aux gens de la lire ou de la relire, plutôt que de dire, bah, ça va, on sait des choses sur cette femme. C'est pour ça que j'ai pas parlé de l'œuvre, justement. Je me suis pas présentée, parce que je ne suis pas comme spécialiste de Marguerite Yourcenar, comme sans doute d'autres personnes que vous allez recevoir, mais comme quelqu'un qui faisait, au fond, une extension d'un travail journalistique, une enquête, et qui proposait des hypothèses sur les conditions de la fabrication de l'œuvre. Mais après, l'œuvre elle-même, elle appartient à tout le monde, et elle appartient aussi à des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi. Mais Marguerite Yourcenar avait déjà un petit peu... planifier le chemin du biographe que vous alliez devenir. Elle s'était employée à recenser, à noter, archiver les témoignages. Donc en fait, il y avait aussi ce poids de la femme qui voulait maîtriser la manière dont on la verrait plus tard. Bien sûr, tout maîtriser. Et c'est ça qui était aussi un enjeu. Parce que, en effet, elle savait qu'elle serait la proie des biographes, donc il fallait à la fois les canaliser, et peut-être aussi les emmener sur des chemins pas forcément... Donc, me voilà... On peut dire les perdre, c'est ça ? Oui, me voilà à Harvard. Et à l'époque, maintenant, si vous allez à Harvard, maintenant, tout a été bien coté et tout, etc. Moi, quand j'y suis allée, c'était très peu après la mort de Marguerite Yourcenar, et alors que cette Houghton Library, pour moi, de Harvard, était une espèce de, je sais pas, d'endroit magnifique, j'ai vu arriver des cartons avec des choses en pagaille incroyables. Et, mais quand même, je me suis aperçue que tout était gardé, tout était recopié. Et quand il y a, alors il y avait les, comment ça s'appelait ce truc, le carbone à l'époque, vous savez, sur les, donc elle, quand elle tapait ses lettres à la machine, elle tapait avec le carbone pour garder une copie. Mais quand il n'y avait pas de machine, Grace Frick ou elle recopiait la lettre entièrement. Je me suis dit, oh là là, il y a tout. Puis quand même, cette idée comme ça de totalité, ça me troublait un peu. Donc j'ai noté des noms de correspondants, en me disant, il y a peut-être encore des gens qui sont vivants parmi ces gens-là. Et donc j'ai trouvé, non pas Jacques Kayalov, qui avait été un des correspondants, mais sa femme, qui vivait à New York. Et je lui ai dit, voilà, je travaille sur Marguerite Yourcenar, je sais qu'elle a entretenu une correspondance avec votre mari. Elle me dit, oui, bien sûr, nous étions très amis. Je lui dis, est-ce que par hasard, vous auriez gardé les lettres de Marguerite Yourcenar ? Elle me dit, mais oui, bien sûr, est-ce que vous m'autoriseriez à les consulter ? Mais oui, bien sûr. Et voilà que je découvre que à Harvard, il n'y avait pas les lettres où Marguerite Yourcenar disait qu'elle était désespérée. Parce que Marguerite Yourcenar, après, comme on l'a connue, n'avait pas à être désespérée. Donc elle disait des choses terribles, parce qu'elle pensait que l'Europe, elle pensait que Hitler allait gagner, elle pensait que l'Europe était perdue, et elle pensait qu'elle serait plus jamais un écrivain français, qu'elle pourrait pas faire son œuvre. Et elle disait dans une des lettres, « Mon désespoir atteint la largeur de l'océan Atlantique ». Donc elle ne supportait pas au fond d'avoir peur et elle ne supportait pas qu'on puisse avoir un avis sur sa vie qui serait différent de celui qu'elle souhaitait donner. Et c'est pour cela qu'elle écrit dans les dernières décennies de sa vie, les deux dernières décennies de sa vie, un cycle qui s'appelle Le Labyrinthe du Monde. Et dans Le Labyrinthe du Monde, il y a Archives du Nord, Josiane Savigno. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre Archives du Nord ? Oui, alors ça commence par Souvenir pieux. C'est Souvenir pieux. C'est le livre du milieu, voilà. Archives du Nord. Souvenir pieux, c'est le côté de sa mère. Archives du Nord, c'est le côté de son père. Et ensuite, il y avait quoi, l'éternité, mais qui est inachevé. Et qu'elle ne pourra pas relire et qui sera publié après sa mort. Qui est inachevé. Et qui, en plus, non seulement elle ne peut pas relire, mais qui est inachevé, c'est-à-dire que c'est là où elle serait apparue un peu plus. Dans les autres, elle est vraiment petite. Oui, parce qu'Archives du Nord s'achève quand elle a 6 ans. Mais ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Pour une autobiographie, donc c'est vrai. C'est un peu. Mais elle ne disait pas. Alors, c'était très curieux parce qu'elle n'a jamais prononcé le nom d'autobiographie. Elle disait trilogie familiale. Et puis, elle disait aussi mon roman. Alors que c'était quand même censé être des livres de mémoire, en quelque sorte, même si c'était une mémoire ancienne. Archives du Nord, moi, c'est un que j'aime beaucoup parce qu'il y a la figure du père, et le père de Marguerite Yourcenar est un drôle de personnage. Et alors, quand je me suis intéressée à la biographie de Marguerite Yourcenar, j'ai rencontré le demi-neveu, Georges de Crayancourt, un homme extrêmement sympathique, mais qui en voulait à mort au grand-père, c'est-à-dire le père de Marguerite Yourcenar, en disant, à cause de lui, on a été obligé de travailler. Alors oui, parce qu'il a dilapidé tout l'argent. Que dans ma famille, on n'avait jamais travaillé. Oui, c'était un homme assez... Et c'est assez étrange, parce que maintenant, on a du mal à se figurer ça, parce qu'un homme de 50 ans qui a eu une petite fille, c'est assez banal aujourd'hui. Mais un homme de 50 ans qui doit prendre en charge une petite fille qui vient de naître, à cette époque-là, c'est une autre affaire. Tout seul. Tout seul avec l'horrible grand-mère. Parce qu'au début, il est tellement désemparé qu'il va chez sa mère. Oui, comme on fait tous, peut-être. Et cette Noémie, que Marguerite Yourcenar détestait, et dont elle a écrit « Voilà quelqu'un qui ne risquait pas de mourir d'un arrêt du cœur ». Alors, on va revenir un petit peu sur le père, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je voudrais qu'on dise deux mots sur le grand-père, qui est très présent aussi dans Archives du Nord, et notamment, il y a cette scène qui est assez fascinante, où elle raconte comment son grand-père a été le seul survivant de tout un wagon, dans un train qui a eu un accident, c'était sur la ligne Paris-Versailles, donc la scène est assez saisissante, le train est en flammes, et il est le seul à survivre, et Marguerite Yourcenar imagine donc qu'elle aurait très bien pu tout simplement ne pas vivre, et cela ne la trouble absolument pas. Non, elle n'est pas troublée. Elle disait toujours qu'elle ne savait pas si la vie était une bonne chance ou une mauvaise chance, en employant le mot chance dans son sens le plus large. Mais c'est vrai que la scène dont vous parlez est très étonnante, parce qu'on ne peut pas dire que Marguerite Yourcenar est une écriture cinématographique. Mais ça, c'est une scène absolument cinématographique. Et ce qu'elle retient, c'est que l'horreur, au fond, est cachée partout. C'est une révélation. Un enfant privé de sa mère n'éprouve pas toute sa vie la nostalgie de l'absente. Et vous ne l'avez pas entendu. En tout cas, jamais éprouvé. Jamais. Jamais. Et quand je vois combien de gens se disputent avec leur mère, j'ai peine à croire qu'avoir une mère soit toujours un privilège. Mais vous vivez quand même, vous respirez à travers les souvenirs. Non. Au fond, non. Souvenirs pieux, archives. Oui, seulement je me suis dit un matin, voyons, il va falloir écrire souvenirs pieux. Mais au fond, j'ai très peu pensé à ces gens-là jusqu'au jour où je me suis occupé de dire, tiens, il faudrait pourtant les faire revivre. J'ai voulu, à travers mes parents, j'ai voulu retrouver des exemplaires d'humanité. Je me suis dit, après tout, voilà un matériel historique que nous avons là sous la main. Quelque chose qu'on peut rassembler, que je suis seul capable de rassembler, parce que personne d'autre n'a ses souvenirs ou ses documents. Par conséquent, voyons un peu ce qu'il y a. Tâchons de voir ce que donne l'humanité vue à travers ces personnes. Tâchons de voir ce que donne l'humanité vue à travers ces personnes. Il y a toujours l'idée que la vie, c'est quelque chose d'éminemment subjectif et que chaque vie, au fond, c'est une perception de la vie qu'on a. Oui, et c'est très intéressant ce qu'elle dit là pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a dit aussi justement que son père, qu'elle a pourtant beaucoup aimé, ne lui était redevenu proche parce qu'elle a eu toute une vie. Quand il est mort, elle avait 23 ans, elle allait bientôt publier son premier livre. Et elle dit, il m'est redevenu proche, et il m'est redevenu familier et vraiment mon père quand il est devenu un personnage de mon livre. Et puis aussi l'histoire de la mère. C'est-à-dire qu'elle disait, alors on m'a un peu reproché de ne pas avoir, comment dire, d'avoir trop adhéré à ce qu'elle dit, ses propos sur sa mère. Mais moi, j'ai aucune notion de psychanalyse et je voulais pas faire, vous voyez, la psychanalyse comme ça, de bazar sur une histoire du manque de la mère, etc. Je me disais, peut-être un jour, quelqu'un qui s'intéressera suffisamment à Marguerite Yourcenar pourra faire ça, pourra essayer de faire une lecture psychanalytique de ça et ses rapports avec aussi la maîtresse de son père, Jeanne de Vittinghoff. Mais elle disait toujours que pour regretter quelqu'un qu'on n'avait absolument pas connu, qui vous avait juste donné la vie, il fallait que on vous explique beaucoup tous les jours qu'il fallait le regretter, qu'il fallait être malheureux, qu'il fallait y penser, et que ça n'avait pas eu lieu. C'est une espèce d'honnêteté un peu brutale, en fait. Oui, peut-être. Peut-être qu'elle cachait quelque chose, parce que c'est vrai que son lien avec Jeanne de Vittinghoff est quand même peut-être une recherche de mère symbolique. C'est quelque chose qui mériterait d'être creusé. Mais quand vous parlez de cette histoire d'humanité, je crois qu'elle avait, c'est ça, elle avait cette idée que, au fond, on est chacun une petite partie de l'universel et que, à travers ce qu'elle pouvait écrire, elle pouvait essayer de le retrouver. Et le père, alors, c'est l'homme de sa vie, comme on l'a dit, ou il faut nuancer un petit peu? Ben, écoutez, on peut nuancer quand elle dit qu'il lui est redevenu proche que quand elle a commencé Archives du Nord, ce qui était quand même. Et bon, je pense qu'elle l'a peut-être un peu idéalisé, il lui a apporté beaucoup. C'est vrai qu'il a été, dès qu'elle a été une petite fille, un peu hors norme, comme vous disiez au départ, peut-être qu'il y avait quelque chose d'inné, dès qu'elle a eu le désir de faire du latin et du grec, il l'a aidé, il a beaucoup aidé. Il a toujours accédé à ses désirs. Il a toujours accédé à ses désirs. Un jour, il a écrit une nouvelle qu'elle a terminée, elle. Je me suis dit que peut-être, au fond, il avait rêvé, cet homme, d'être écrivain et qu'il avait envie que sa fille accomplisse son destin. Donc ça, c'est la partie positive. Mais la partie peut-être moins drôle, sur laquelle elle n'a pas beaucoup insisté, c'est quand même quand elle signale... Mais vous voyez, elle le signale comme ça, comme un peu incidemment, qu'à 14 ans, elle l'attendait sur les marches d'un casino en attendant qu'il sorte après avoir perdu beaucoup d'argent. Peut-être à 14 ans, c'est pas toujours absolument agréable de passer une moitié de sa nuit sur une marche de casino en attendant le père qui rentre pas content parce qu'il a perdu. En tout cas, ce qui frappe dans ce que Marguerite Yourcenar dit de son enfance, c'est qu'elle a eu très vite le sentiment d'être différente et elle ajoute d'être importante, virgule, très importante. Enfant, j'ai désiré la gloire, a-t-elle dit. Enfant, j'ai désiré la gloire. Et alors ça, c'est vrai, c'est pas une reconstruction a posteriori. Je pense qu'elle a... Au contraire, elle a... Comment dire? elle est allée plutôt dans l'autre sens. Elle a acquis, je dirais pas une certaine modestie, c'est un mot qui lui va pas vraiment, mais elle a acquis un peu de sens de la relativité. Mais par rapport à cet enfant, j'ai désiré la gloire. Mais parce qu'après, elle a vu ce que c'était. L'écriture, les difficultés de la vie. On a évoqué tout à l'heure la question de l'immigration aux États-Unis, qui n'a pas été une chose si facile. Mais c'est certain que, un, enfant, elle a désiré la gloire, et que, deux, vers 20 ans, elle s'est dit qu'elle allait devenir quelqu'un de très important. Dans une île perdue de l'océan, Marguerite écrit, Marguerite vit. Elle revient en France de temps en temps, porter l'habit vert du printemps. Dans une île nommée Mon Désert, Marguerite écrit son alchimie. Les archives du Nord, son pays. Souvenir d'une archéologie. En 1926, Josiane Savigno, elle a 23 ans, Marguerite Yourcenar, et elle publie son premier texte. Alors, ce n'est pas un très très bon texte, peut-on lire en tout cas dans votre biographie. Ça s'appelle « L'homme couvert de Dieu ». C'est publié dans l'Humanité. Oui, c'est pas ce qu'elle a écrit de mieux. Pesamment allégorique, vous dites. Oui, c'est ça, pesamment allégorique. On pourrait peut-être passer là-dessus. Non, mais ce qu'on vient d'entendre sur l'île, c'est très intéressant parce que vous voyez, première fois que je suis allée à l'île des Monts Déserts, c'était en 1983. Je n'avais jamais rencontré Marguerite Yourcenar et je savais qu'elle n'était pas là, parce que j'aurais jamais osé aller rôder autour de sa maison si elle avait été là. Et donc, dans ce petit village de North East Harbor, qui est vraiment minuscule, je suis allée devant sa maison, j'ai vu le petit signe, petite plaisance, et je me suis promenée dans le village et je me suis dit, aïe aïe aïe quand même, pour être ici, écrire son œuvre et se dire un jour là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, les gens le sauront, je suis Marguerite Yourcenar, il faut vraiment avoir la force, il faut vraiment croire en soi. C'est la chanson d'Yves Simon qu'on vient d'entendre, oui, qui vous fait penser à ça et qui s'appelle Marguerite. Donc elle publie à 23 ans ce premier texte dont on ne va pas parler, et rapidement après, donc on est en 27-28, elle écrit un conte dont vous dites qu'il s'agit d'une sorte, alors là, de défaite de la pensée avant la lettre, en référence donc à Alain Finkielkraut. Expliquez-nous un peu ça. Je ne saurais plus trop l'expliquer aujourd'hui, je crois. C'était quoi? Ça s'appelle Kali décapité. Ah oui, non, c'est terrible. Et c'est un texte dans lequel elle a été influencée par Valérie, oui, et son incipit de Variété 1, ouais. Nous autres, civilisation, nous savons que nous sommes mortels. C'est ça. Donc c'est un texte, en effet, défaitiste. On peut le dire comme ça, mais comme c'est pas tellement la Marguerite Yourcenar que j'ai envie de retrouver, j'ai dû m'y plonger pour la biographie, puis après j'ai dû le mettre de côté. Je suis passée directement à Alexis ou à d'autres textes. Comment expliquez-vous que votre œuvre se situe davantage dans la lignée de la littérature masculine française que dans celle de la littérature féminine, celle par exemple contrastée mais ou en somme solidaire, qui va de Colette à Marguerite Duras? Je crois qu'en général, et c'est une question très grave qui se pose, la femme, telle que nous la connaissons aujourd'hui, garde encore, quand elle s'occupe de littérature, une attitude revendicatrice, très souvent, et une attitude purement féminine, comme si elle n'avait presque pas le droit d'entrer dans le domaine de la littérature qui s'occupe de tous les problèmes qui nous concernent et qui regarde le monde tel qu'il est, avec des yeux aussi libres que si cette femme était un homme. Et très souvent, la littérature féminine, avant tout, s'occupe de la femme. Je ne lui en fais pas un reproche. Il se peut même que ce soit la preuve qu'il est nécessaire de changer quelque chose à la condition féminine. Mais je crois que ce changement ne viendra pas d'une décision masculine, il ne viendra même pas des lois, il viendra du fait que la femme s'imposera dans d'autres domaines que le domaine féminin. Alors vous n'avez n'avez pas la chance, chers auditeurs qui écoutez toujours la Compagnie des auteurs, de voir comme moi Josiane Savigno sauter sur son siège de rage en entendant cette archive. C'est plutôt le journaliste hein, qui non, vous fait sauter de rage. Elle, pas elle. Ah, je connais sa position et elle dit des choses qui me paraissent bien quand elle dit finalement, Simone de Beauvoir l'a dit avec d'autres mots, mais vous savez que Simone de Beauvoir est aussi contestée maintenant par certaines personnes parce que dans le deuxième sexe, ça n'est pas aux femmes, parle et la vérité sort de ta bouche, c'est femme, regarde ta condition et fais quelque chose pour en sortir. Et ce que dit Marguerite Yourcenar, c'est ça viendra pas des hommes, ça viendra pas de la loi, ça viendra des femmes si elles veulent s'imposer, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais cette idée, ce qui m'a fait sauter en l'air, c'est cette idée, c'est ça. J'aimais beaucoup Jacqueline Piatier qui a créé Le Monde des Livres, j'avais une grande admiration pour elle, mais on s'est fâché le jour où Marguerite, enfin, on s'est fâché pas pour toujours, hein, mais le jour où Marguerite Yourcenar a été élue à l'Académie française et où Jacqueline a écrit que c'était une écriture d'homme qui est entrée à l'Académie française. Et ça m'agaçait parce que je pense que toutes les écritures, il n'y a pas d'écriture d'homme ou de femme, il y a des écritures qui deviennent universelles ou pas universelles. Et ce que Marguerite Yourcenar voulait, c'était que la sienne devienne universelle. Et je vois pas en quoi elle aurait une écriture masculine. Les gens qui la détestent, d'ailleurs, parlent pas vraiment d'écriture masculine. Ils disent elle écrit comme une traduction de version latine, ce qui est pas très sympathique non plus. Mais comment vous définiriez son rapport à la féminité, Josiane Savigno ? Elle était très coquette, contrairement à ce que les gens. Contrairement à ce que les gens. Si on aime les robes très longues en laine. Mais elle avait non, d'abord pas toujours en laine. Elle était un peu désolée de s'être laissée grossir, mais quand je dis elle était très coquette, c'est que par exemple le week-end que j'ai passé chez elle, tous les matins, elle avait des très beaux peignoirs japonais, etc. Tous les matins, elle en avait un différent. Elle portait des bijoux, des très jolis bijoux. Toujours, elle me faisait remarquer ces bijoux. Et elle aimait bien les bijoux. Évidemment, par rapport à l'idée qu'on a aujourd'hui que il faut se faire rafistoler et avoir l'air toujours très jeune, on peut penser que Marguerite Yourcenar ne correspondait pas du tout à ces canons-là. Mais elle avait. Et puis, vous parlez des robes en laine, non ? Par exemple, elle avait un grand souci des châles. Elle adorait les châles. Et c'était pas des châles en laine, c'était toujours des châles très beaux, très très ouvragés. Elle avait aussi, j'en ai un d'ailleurs, elle avait aussi des kimonos absolument magnifiques. En tout cas, l'homosexualité, et plutôt l'homosexualité des hommes, était quelque chose qui l'a fascinée. Et c'est fascinant de voir une femme fascinée par l'homosexualité de l'autre sexe. Oui, alors d'abord il y a l'histoire de sa propre homosexualité, sur laquelle beaucoup de gens l'ont contestée. Et moi, je pense que le combat qu'on a pu tous mener pour que tout le monde ait la liberté de dire, ça va avec la liberté de ne pas dire ce qu'on fait de sa vie privée. Donc ça, là-dessus, je pense que je partage son opinion si elle n'avait pas envie de dire. Alors l'histoire de la fascination pour l'homosexualité masculine. Alors certaines personnes pensent, tout ça c'est des hypothèses, elle n'est plus là pour prouver, mais beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'elle voulait devenir un homme. Et vous ne lui avez pas demandé ? Pourquoi elle était fascinée par l'homosexualité masculine ? Non, je ne lui ai pas demandé. Vous auriez pu ou c'était impossible de poser des questions comme ça ? Non, je pense que j'aurais pu. J'ai pas dû oser. Elle m'impressionnait peut-être trop. J'ai pas dû oser, mais j'aurais pu. Peut-être si je l'avais connue un peu plus longtemps, j'aurais osé parce qu'on a parlé quand même des hommes. Mais beaucoup de gens pensent que donc elle était fascinée par les homosexuels hommes parce qu'elle aurait aimé en être un. Bon. Et moi, je vois par rapport à sa fascination pour André Frégnaud, par exemple, je pense qu'elle aurait voulu être la seule femme qu'un homosexuel peut aimer. Et André Frégnaud était vivant quand j'ai fait mon enquête biographique, donc je l'ai rencontré. Il était très méchant et il me disait que et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Vous savez, beaucoup de gens m'ont dit, elle aurait adoré votre biographie. J'ai dit non, elle l'aurait détestée parce que j'ai dit qu'elle était un très mauvais poète et il lui disait, comme tous les très mauvais poètes, elle pense qu'elle est un bon poète, ce qui n'est pas vrai. C'est une très grande prosatrice, mais pas un bon poète. Et donc André Frégnaud disait, je dis mais elle a été, lui je lui dis carrément, mais elle a été folle amoureuse de vous. Ah, bah certainement. Mais enfin, j'allais tout de même pas avoir une histoire avec une femme, en plus une femme comme ça qui allait au thé dans la rue du Mont-Abord. Alors je dis c'était quoi le thé dans la rue du Mont-Abord ? Mais c'était des repères de lesbiennes. En tous les cas, dans une archive que nous n'avons malheureusement pas le temps de passer, André Fregnaud dit que... Alors c'est lui qui découvre Marguerite Yourcenar, hein, quand il est chez Grasset, c'est lui qui ressort ce vieux manuscrit qui a été envoyé, qui n'a intéressé personne, sur Pindare. Et il dit même que c'est lui qui va lui faire découvrir la Grèce. Je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que, il lui a pas fait découvrir que la civilisation grecque existait, mais je crois qu'elle avait été tellement choquée par cette histoire de son Pindare complètement négligé qu'elle s'était plutôt tournée vers l'Italie à l'époque, et que avec André Fregnaud, elle a repris l'amour de la Grèce. Ensuite, elle a eu ce nomadisme entre Italie et Grèce pendant les années 30. Pendant une dizaine d'années. Oui, en plus, il y a eu cet autre personnage très important, André Ambirikos, autre André grec. Et puis aussi une jeune femme, Lucie Kyriakos. Donc ce sont des amours, là, dont vous parlez. Qui malheureusement... Je ne pense pas qu'elle ait eu une histoire d'amour avec André Ambirikos. Je ne pense pas. Je pense que c'était vraiment une très très forte amitié amoureuse. Mais Lucie Kyriakos, oui, bien sûr, qui malheureusement est morte très jeune. Donc elle passe ses 10 années à voyager. Bon, elle revient en France, elle fait des séjours assez longs en Grèce. Elle dit que la Grèce a été le seul événement de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ben, pour elle, c'est, je pense qu'elle pensait que tout avait vraiment commencé là. Et que même la Grèce, je pense qu'elle serait là aujourd'hui, on ne peut pas faire parler les morts, mais elle serait là aujourd'hui, je pense qu'elle dirait encore son amour de la Grèce, et que même la Grèce d'aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on connaît, avec toutes ces blessures et tout ce désastre, est quand même la Grèce qu'elle a aimée, qu'elle aura toujours... Elle avait cette espèce de... il y a eu la Grèce, et à la fin de sa vie, l'Orient. Mais c'est les deux pôles qui vraiment ont été fondamentaux pour elle. Josiane Savigno, nous poursuivons cette discussion avec vous dans quelques minutes, mais tout de suite sur France Culture, il est 15h30. Et c'est le moment de retrouver notre séquence habituelle en compagnie des revues. Nous avons le plaisir de retrouver en duplex de la capitale girondine, Bordeaux, Olivier Mauny du journal Sud-Ouest. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors Olivier, cette semaine, vous posez une bien drôle de question, et comme vous la posez depuis une ville qui s'est souvent défiée de Paris, elle a un poids encore plus important, cette question, c'est « Mais où est donc passée la province ?» Eh oui Mathieu, fort de mon promontoire bordelais, je me suis demandé s'il ne fallait pas considérer qu'il en allait de la littérature comme du reste dans notre beau pays jacobin. Et ce faisant, si la province n'était pas un peu, au mieux, le motif caché dans le tapis, au pire, l'angle mort de notre paysage littéraire contemporain. Alors j'entends une forme d'inquiétude dans votre voix, Olivier, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement ? Pour être honnête, c'est plutôt une sensation, voire un pressentiment. L'impression de ne pas avoir aujourd'hui les Mauriac, Giono ou Simenon, ou même Genevois d'ailleurs, pour dire les territoires, leurs complexes ramifications, leurs mutations. Aucun Barthes non plus pour disserter rêveusement sur la lumière du Sud-Ouest, comme il le fit magnifiquement dans les pages de l'Humanité en 1977, hormis peut-être, et c'est important de le signaler, celle qui fut son élève, Chantal Thomas, dont l'appréhension sensible de son pays d'enfance, le bassin d'Arcachon, lui a offert quelques-unes de ses plus belles pages. Bref, en fait, tout se passe comme si la division du travail éditorial était une fois pour toutes décidée. À Paris, les maisons d'édition, donc par souci de commodité, les écrivains, les journalistes littéraires, mis à part quelques-uns, et bien sûr, les histoires, les récits, à la province, puisqu'il en faut les lecteurs, qui, comme chacun sait, sont le plus souvent des lectrices. Oui, enfin, vous savez qu'il y a quand même quelques lecteurs à Paris et des maisons d'édition en province, vous ne forcez pas un tout petit peu le trait ? Mais si, bien sûr, Mathieu, et je vais y revenir. Et pourtant, dans le même temps, j'ai envie de vous dire, même si ça peut paraître un peu provoquant, non. Je ne force pas le trait. Non, quand on s'aperçoit que pour beaucoup encore, l'usage de nos régions peut être laissé à des machines romanesques qui ne s'embarrassent guère de recherches formelles, type École de Brive ou pire, Collection Terre de France. Il règne sur tout cela un parfum qui se voudrait nostalgique et n'est que le fumet entêtant du pire conservatisme. Non, quand, lassé de s'entendre dire, à mon sens faussement d'ailleurs, qu'ils sont incapables d'autres transports que les aventures du moi et l'égotisme petit bourgeois, les romanciers d'aujourd'hui s'appliquent à se colter avec le réel. Ils le font, et c'est louable, au Moyen-Orient, en Palestine, dans les Amériques, à Berlin ou à Londres, en Sibérie, partout où vous voulez, partout où les civilisations vacillent, mais bien plus qu'à Niort, à Vesoul ou à Châtenay-Malabry. Meilleur exemple de cette dialectique compliquée, Et ce n'est qu'un exemple. Mathias Hénard, dont l'ampleur de l'œuvre, justement, est récemment couronnée, ne saurait être contestée, bien sûr, mais qui avoue buter depuis des années sur un livre qu'il ne parvient pas à écrire, donc, qui serait celui de ses pays d'enfance, Niort, justement, et ses confins. Pourtant, là aussi, dans ces espaces ruraux désertifiés, dans ces sous-préfectures comme abandonnées, dans ces zones périurbaines qui s'offrent à l'extrême droite, les civilisations, vous en conviendrez, s'écroulent tout autant. En fait, il se passe dans le champ de la littérature ce qui se passe dans celui de la politique, ce qui est logique d'ailleurs. Le maillage territorial, l'aménagement du territoire, qui furent l'une des grandes affaires modernes de la France des Trente Glorieuses, n'est plus aujourd'hui tenu que pour quantité négligeable. Il n'est donc pas très surprenant que la littérature, en quelque sorte, accompagne cette disparition. Un livre, toutefois, un roman dont on n'a à mon sens pas assez souligné l'importance, le deuxième d'Aurélien Bélanger, L'aménagement du territoire, sorti à l'automne 2014, est presque totalement consacré à ces questions. D'accord, alors est-ce que vous êtes tout de même d'accord pour dire que vous exagérez au fond un tout petit peu ou pas du tout ? Non, non, oui, vous avez raison, j'exagère un peu, mais ça suscite du débat, n'est-ce pas ? Mais, par exemple, l'une des œuvres majeures de ce temps, celle de Maïlys de Kerangal, est profondément, je crois, ancrée dans ces territoires, en l'occurrence Le Havre, mais aussi Marseille pour Corniche Kennedy. Il y aurait une étude, tout ça ce ne sont que des exemples, il y aurait une étude à écrire sur les déplacements et le sentiment géographique dans l'œuvre d'Eschnoz, par exemple. Son dernier livre envoyé spécial en témoigne, sa creuse comme rêvée doucement est moins celle d'ailleurs de son ami Pierre Michon que celle plus ligne claire de quelques livres du regretté Frédéric Berthet. Jean-Paul Kaufmann, lorsqu'il remonte la Marne ou s'achète une maison dans les Landes, à sa manière, contribue à ce que s'écrive toujours et encore ce roman national qui, faute de ses provinces, j'y reviens, ne serait plus tout de même qu'une nouvelle. Une mauvaise nouvelle d'ailleurs, Mathieu. Et oui, évidemment. Merci Olivier Mauny, on vous retrouve mardi prochain et puis dans l'intervalle, bien entendu, dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Deep River. My home is over Jordan, deep river. I want to cross over into campground. You know I want to cross over. Marguerite Yourcenar, immense écrivaine française, qui aurait peut-être préféré que elle n'aurait pas du tout aimé ça. L'on parle d'elle comme d'un écrivain sans eux. Et c'est elle, sur elle, que nous nous penchons jusqu'à jeudi dans la compagnie des auteurs sur France Culture, une compagnie dans laquelle nous avons embarqué, et oui, la critique littéraire et biographe de Marguerite Yourcenar, Josiane Savigno. Je vis aux États-Unis, à la campagne, dans une île de l'Atlantique Nord. Et je me suis trouvée aux États-Unis par hasard, comme je crois l'avoir dit, pendant la guerre de 40-45 et au moment où je m'arrangeais pour subsister, j'ai trouvé une petite maison dans cette île, une vieille petite maison, enfin vieille pour l'Amérique, elle a 100 ans, et dans un, avec un petit coin de bois et de prairies, et c'est pour moi un merveilleux endroit pour travailler à la campagne, moi qui aime tant la campagne. Maintenant, je dirais que la seule chose qui m'a inspiré aux États-Unis et ce qui a produit d'ailleurs un livre, ce sont mes visites. Je ne connais pas très bien toute l'étendue des États-Unis, mais j'ai été plusieurs fois dans le Sud et je me suis beaucoup intéressée à la poésie noire. Et j'ai écrit un livre qui a paru en 64, « Fleuve profond, sombre rivière ». C'est-à-dire, en anglais, ça ferait « deep river »,« dark river », qui est consacré aux négros spirituels et à la misère des Noirs, aux aspirations des Noirs au XIXe siècle, avec une annexe très brève donnant quelques fragments des « Chants de la liberté » tout à fait récents. Et ce problème noir m'a tellement préoccupé que j'ai même réussi à le glisser dans l'œuvre noire, à en faire dans une discussion de quelques phrases dans lesquelles Zénon et le prêtre libéral et bienveillant, qui est son meilleur ami, discutent le fait que l'esclavage et la traite des noirs est une des indignités déjà de leur époque. into camp run. Alors si on faisait une frise chronologique, Josiane Savigno, avec les grands moments de la vie de Marguerite Yourcenar, on se rendrait compte que un très très très long moment se passe aux États-Unis. L'extrême majorité de la vie de Marguerite Yourcenar se passe aux États-Unis. Elle part quand elle a 25, 26 ans, je crois, alors qu'elle est si peu américaine Elle part plus tard. Oui, elle va... Juste avant la guerre, donc voilà. Elle est née en 1903. Elle rencontre Grace Frick en France. Il se passe quelque chose entre elles et elle va la voir. Et puis elle dit qu'elle reviendra peut-être l'année suivante. Et, sauf que l'année suivante, c'est 1939, et que le peut-être se transforme en fuyant la France. Et en effet, elle y reste. Après la guerre, elle s'est posé la question. Je pense que Grace Frick n'avait pas du tout envie qu'elle reparte en France. Elle venait quand même assez souvent en France ensemble. Et on voit bien que quand elles étaient en France, Grace Frick n'aimait pas l'idée que Marguerite Yourcenar était, comment dire, un peu reprise par le milieu littéraire, par les gens qui voulaient la voir, qui l'admiraient. Elle avait peur qu'elle lui échappe d'une certaine manière, donc elle n'aimait pas beaucoup ça. Alors, cette petite plaisance dont elle parlait là, si joliment, je dirais que c'était devenu sa base. Mais c'était vraiment quelqu'un qui était une nomade. Tant qu'elle l'a pu, elle a voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y avait petite plaisance, et puis on partait faire un voyage ici, accompagné souvent de conférences. Donc, elle a beaucoup, beaucoup voyagé avec Grace Frick. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que Grace Frick était vraiment la personne qui avait le sens pratique. Marguerite Yourcenar n'avait aucun sens pratique. D'abord, elle savait pas conduire. Je pense qu'elle avait pas du tout envie de conduire. Elle, c'était comme les, vous savez, les chefs gaulois qui se faisaient porter sur leur bouclier. Elle en a un petit peu l'apparence d'ailleurs. Il fallait s'occuper d'elle. Et en plus, comme elle était très myope et qu'elle refusait de porter des lunettes, c'est pour ça que les gens parfois la trouvaient trop hautaine, mais elle les voyait pas à 2 mètres. Si j'ai croisé Marguerite Yourcenar, elle m'a pas dit bonjour. Je disais oui, mais parce qu'elle t'a pas vu, tu vois. Et mais quand même, elle parle des nigros spirituels, de la Black River. Il y a quand même, on parle de quelqu'un qui a passé décennies aux États-Unis. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire. Si on pouvait entendre des choses d'elle en anglais, c'est alors que vous entendez cette voix extrêmement, étonnante en français avec beaucoup de distinction, et elle parle comme Maurice Chevalier. Et quand vous savez que un peintre hyper réaliste qui s'appelle Richard Estes avait fait un tableau d'elle et qui se trouvait au ministère de la Culture sous Jack Lang. Et quand François Léotard est arrivé, il l'a fichu à la cave. Donc quand j'ai été chez elle, est venue sur Richard Estes. Et là, sous mon regard absolument atterré, et après quand je l'ai entendu plus parler, j'ai vu qu'elle avait un très très étendu vocabulaire en anglais, bien plus étendu que le mien. Mais c'est rien, aucun accent tonique, rien. Elle lui dit « Your picture is lost in the basement of the French Ministry of Culture ». Oui, mais ça prouve quand même une forme de mépris pour son pays d'adoption, parce qu'elle est devenue américaine alors en 1947. Oui, elle a même oublié de redevenir française, ce qui a fait un problème. Elle n'a pas signé le papier, c'est ça ? Au moment de son élection à l'Académie française, il a fallu la faire redevenir française, parce qu'à l'époque, l'Académie française était plus... Mépris, je ne dirais pas. Elle trouvait beaucoup certaines qualités aux États-Unis, à la forme de démocratie américaine. Il y avait plein de choses qu'elle n'aimait pas. Elle a manifesté contre le Vietnam, comme vous savez, comme on faisait à une certaine époque aux États-Unis, en se transformant en homme sandwich. Et elle faisait volontiers ça. Mépris, je ne dirais pas, mais la peur de la langue, la peur de perdre sa langue, ça l'obsédait absolument, absolument, absolument. Mais elle parlait anglais avec Grace Frick ? Non, elle parlait français ? Non, elle parlait français. Elle faisait même, m'a-t-on dit, des reproches, alors qu'elle avait cet accent quand même en anglais absolument épouvantable. Elle faisait des reproches à Grace sur le fait de ne pas savoir prononcer certains mots français correctement, comme croissant par exemple, qui n'est pas si facile à prononcer. Oui. Vous diriez que c'est la rencontre amoureuse fondamentale de Marguerite Yourcenar, Grace Frick, parce que parfois on a l'impression qu'elle la méprise elle aussi un petit peu. Je crois pas, je crois que c'était un bon arrangement. Un arrangement. Je crois qu'elles se sont vraiment aimées. J'ai vu des choses, des photos, par exemple. Je crois que dans la biographie, j'avais mis cette photo, mais après, vous savez, quand c'est repris en poche, ils retirent le cahier photo, c'est bête. Mais il y avait une photo où elles avaient toutes les deux des sortes de tuniques sur des pantalons, et elles portaient chacune un grand pain. Et le commentaire de Marguerite Yourcenar, c'était: j'aime beaucoup cette photo de Grèce et moi, parce que je parais beaucoup moins grosse que je ne suis, et elle beaucoup moins maigre qu'elle n'est. C'était très curieux, parce que on avait l'impression que c'était qu'il y avait quelque chose dans ces couples de lesbiennes, Gertrude Stein et Alice Toklas, Marguerite Yourcenar et Grace Frick, une toute mince et une plutôt opulente. Et l'une au service de l'autre dans les deux cas. Et l'une au service de l'autre dans les deux cas. Et c'était oui, c'était compliqué, parce que je crois que j'ai retrouvé une condisciple de Grace Frick, qui s'appelait Florence Codman, et qui m'a dit: mais Grace Frick, c'était une femme extrêmement intelligente, qui était promise à un grand destin de professeur. Elle a rencontré Marguerite Yourcenar, elle a été totalement fascinée, elle s'est dit: cette femme, elle est promise à un destin bien plus grand que celui que je pourrais avoir, donc je dois l'aider à accomplir ce destin. Et cette Florence Codman ajoutait: mais il faut avouer, vous savez, que même en chemise de nuit, Marguerite Yourcenar marchait comme une reine. Donc il y a ces premières années aux États-Unis, une dizaine d'années qui sont très difficiles pour Marguerite Yourcenar, où elle doit travailler pour vivre parce qu'elle n'a plus d'argent. Oui, elle doit être professeure à Sarah Lawrence College, et elle n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Donc elle écrit à Grace Frick presque tous les jours que de toute façon ça ne va pas, que ses élèves ne savent rien, qu'ils ne veulent rien apprendre, et qu'en plus elle était assez, pas forcément hypochondriaque, mais en fait elle portait beaucoup d'attention à ses rhumes. Donc il y a beaucoup de choses. En plus, j'ai un rhume, je veux rentrer à la maison, quoi. Et puis elle n'avait aucun goût pour la transmission. Pas comme ça, en tout cas, pas comme ça. Elle avait peu de goût, c'est ça, elle avait peu de goût pour la transmission pédagogique, je dirais, c'est ça. Cliquetis de timbale, laissez passer César. Cliquetis de timbale, laissez passer César. Que le festin commence, que les Nubiennes dansent, que les vins de Chaldée apportent l'oubli. Antinous, Antinous, ton esclave. Je voulais vous faire écouter cette chanson, Josène Savigno. Vous l'aimez bien, c'est Hervé Christiani. Il chante Antinous. D'abord, j'aimais beaucoup Hervé Christiani. Il est libre, Max. Ouais. Et puis, bon, cette histoire avec Antinous, c'est assez séduisante. Et puis, quand il parle de César, ça m'a fait aussi penser au fait que beaucoup de gens voyaient Marguerite Yourcenar de manière, voyez, comme une femme très impressionnante, très sérieuse, pas marrante du tout, une espèce de réincarnation d'un vieil empereur romain drapé dans des robes en laine, comme vous disiez tout à l'heure, en étant un peu méchant, je trouve, pour ses vêtements. J'ai bien vu sa garde-robe, c'est pas robe de bure quand même. J'ai vu que des photos. Hein. Mais elle n'était pas ça du tout, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit. Et par exemple, le récit de qu'elle faisait volontiers, elle l'a fait, je crois, dans l'Express, et elle l'a fait aussi à des amis, et je l'ai entendu, du fait qu'elle se trouvait à Paris en mai 68, et qu'au fond, vous voyez, les gens qui aimaient Marguerite Yourcenar n'étaient pas absolument des gauchistes échevelés, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, ils trouvaient que c'était absolument terrible, qu'il fallait se rendre à pied d'un tel endroit à tel endroit parce que rien ne fonctionnait, et que, oh, mais Paris était... Et elle disait: non, j'aime beaucoup ces jeunes gens qui contestent, qui se révoltent. Moi, je trouve que s'ils ont tout à fait raison de se révolter. Elle choquait beaucoup ces gens un peu convenus chez lesquels elle allait dîner. Eux, ils attendaient une autre Marguerite Yourcenar. Oui, mais ce qui lui plaisait, c'était la révolte individuelle des étudiants, les uns à côté des autres. Au fond, c'était pas tellement... la révolution classe contre classe, c'était pas le côté ouvrier de mai 68 qui lui plaisait. Elle aimait bien que ça bouge. Oui, non, vous avez raison. Elle était, c'était, elle était sans doute plus proche de Daniel Cohn-Bendit que de Georges Marchais, mais elle avait aussi ce vieux sentiment aristocratique anti-bourgeois. Vous savez, il y a l'aristocratie et puis il y a le peuple qu'on respecte, mais les bourgeois au milieu, ça c'est des gens néfastes. Alors il y a quand même ce coup de théâtre, on vient d'entendre Antinous, on l'a laissé quand même mourir doucement derrière votre parole, Josiane Savigno. Ce coup de théâtre, c'est en 1951 la parution des Mémoires d'Adrien. On va pas s'attarder trop sur ce livre dont on parlera plus particulièrement jeudi, mais tout de même, qu'est-ce que ça change dans la vie de Marguerite Yourcenar qui passe de l'ombre à la lumière comme ça d'un coup? Non, je crois que je vais vous laisser parler du livre avec les personnes compétentes, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand elle a donc reçu de Suisse, une malle qu'elle avait dû laisser quand elle s'était enfuie quasiment. Et elle a commencé à ouvrir cette malle qui était pleine de choses dont elle n'avait plus besoin, qui ne lui disaient rien. Et elle se mettait à jeter les choses au feu. Et puis tout d'un coup, elle découvre une lettre qui commence par « Mon cher Marc ». Elle se dit « Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Je ne connais pas de Marc. Je n'ai pas eu d'ami qui s'appelle Marc. Qu'est-ce que ça signifie ?» Et alors elle continue un peu et elle comprend que parce qu'elle avait écrit Mémoire d'Adrien, ça vous en paraît sans doute plus longuement, en dialogue. Et elle pensait que c'était mauvais, c'était sûrement mauvais. Et puis elle avait recommencé, comme ça a eu lieu, en commençant par Mon cher Marc, Marc étant Marc Aurèle. Et là, elle a été reprise d'une espèce de, comment dire, de folie créatrice. Elle écrivait partout, elle écrivait dans le train, elle écrivait, Grace Frick allait à la bibliothèque pour vérifier des dates et tout ça. Elle est une espèce d'emballement. Et puis la publication, et je pense que la publication, elle l'a faite parce qu'elle avait vraiment envie, sans y croire, et tout d'un coup, ce premier succès. Mais est-ce que ça change quelque chose à sa vie, et est-ce que elle, ça la change? On a l'impression que finalement, elle reste quand même aux États-Unis et qu'elle a une vie qui ressemble beaucoup à la vie qu'elle avait avant son immense succès, parce que c'est quand même un succès mondial. Je crois que ça l'a pas vraiment changé. Puis elle s'amusait parce qu'elle disait il y a un malentendu à propos de ce livre. Vous savez, je suis sûre que chez tous les notaires et les personnes conventionnelles de ce pays, il est sur la table de nuit. Je crois que c'est un roman historique, mais c'est pas du tout un roman historique, Mémoire d'Adrien, c'est autre chose. C'est la reconstitution de quelque chose, c'est la recréation de quelque chose, c'est une histoire de sensualité et d'amour. Il y a au fond de toute personne qui écrit un roman historique, et peut-être même un roman tout court, une certaine foi en une certaine unité de l'être humain. Car enfin, si une unité de base n'existait pas, on se comprendrait si peu que ce ne serait même plus la peine d'essayer de décrire quelqu'un d'autre. Oui. Et que ce quelqu'un d'autre soit vous, en ce moment, ou que ce soit mon grand-père, qu'après tout je n'ai pas connu ou que j'ai à peine connu, ou que ce soit un homme qui vivait il y a 300 ans, il y a tout de même cette énorme distance qui sépare les individus. Et cette énorme distance, pour en revenir à ce mot lourdement scientifique, de conditionnement, qui fait que chaque être vit enfin dans une espèce d'alvéole différente. Et peut-on percer tout cela et les atteindre jusqu'à un certain point? Je le crois, personnellement. Mais en fonction, c'est une certitude métaphysique. C'est cela, oui, en fonction d'une idée que vous faites vous-même de la destinée humaine et de la destinée. La destinée de Marguerite Yourcenar, c'était d'abord la mort de sa compagne le 18 novembre 1978, puis la rencontre d'un nouveau compagnon de voyage, Jerry Wilson, de voyage ou plus, qui lui aussi est homosexuel et va mourir du sida. Le projet d'un dernier voyage au Népal qui finalement n'aura pas lieu, et puis une femme épuisée mais qui avait résolu d'écrire jusqu'au moment où la plume me tomberait des mains, dit-elle. Et elle l'a fait. Épuisée, je ne sais pas si elle était vraiment épuisée. Elle disait cette chose très belle à propos de l'âge. Elle disait « Je ne sens pas mon âge, sauf quand je suis malade ». Et elle était malade Elle avait eu quand même un pontage que normalement on ne fait plus à des gens aussi vieux. Mais on lui avait fait, ça avait marché quand même, pour un temps. Merci, Josiane Savigno. Merci à vous et merci à Marguerite Yourcenar. Merci à elle. Et à 15h53 sur France Culture, c'est le moment tant attendu, celui de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonnafé vous propose d'entendre des textes de Jacques Darras, poète actuel, très actif, très coloré, refusant la tristesse inconsolable, la plainte répétée ou la tiédeur. Il se réclame des poètes médiévaux et c'est lui qui nous accompagne jusqu'à jeudi. Bonjour. L'indiscipline de l'eau est une anthologie personnelle de poésie de Jacques Darras, elle vient de sortir chez Gallimard Poche. Poésie de l'eau, qui n'est pas une poésie du feu. Poésie de la fluidité, poésie des rivières, l'indiscipline de l'eau. Le livre commence avec position du poème. Il est dit qu'il est assis, il a les genoux pliés, il voit le monde. Mais dans la suite du poème, on voit le poème se lever et aller regarder le monde de l'autre côté. C'est un peu ce renversement qui constitue la poésie de Jacques Darras. Parler, c'est avec la voix. Chanter, c'est avec la voix. Parler n'est pas chanter. La voix peut chanter des paroles. La voix ne peut pas parler la chanson. La voix qui parle la chanson parle les paroles de la chanson. Dans ce cas, elle n'a plus besoin de la chanson. La voix qui parle les paroles d'une chanson est étrange. Si je me mets à parler les paroles d'une chanson sans la chanson, j'aurai l'air de dire un poème. La voix qui parle les paroles d'une chanson dit en fait un poème. Tous les poèmes ne sont pas des chansons. Tous les poèmes ne veulent pas avoir l'air de chanson. Aujourd'hui, les poèmes des poètes sérieux n'ont pas l'air de chanson. Surtout pas l'air de chanson. Aujourd'hui, les poèmes n'aiment pas la musique. La voix qui parle dans le poème se méfie terriblement de la voix qui chante. La voix qui parle dans le poème veut prendre son indépendance. La voix à chanson et la voix à parole ne se parlent pas. Le dernier poète chanteur s'appelle Aragon. C'est la parole qui ne parle plus à la musique. C'est sa décision, et pas l'inverse. La chanson, elle, continue à chanter toutes sortes de paroles sans espèce de distinction. La chanson ne recule devant aucune parole. Qu'êtes-vous en train d'applaudir ? Bruxelles. On est toujours à Bruxelles, grande place. Qu'êtes-vous en train d'applaudir ? La mer, l'horizon, le ciel, les oiseaux, les mouettes, les corbeaux. L'entrée du Christ dans Bruxelles, l'entrée de James Ensor à Jérusalem, la sortie de Charles Quint, l'enterrement de Baudouin à Sainte-Gudule, que sais-je encore. Ici, tout est fait pour applaudir. Moi, j'aime la Belgique, est le titre d'un recueil de Jacques Darras. La Belgique commençait au bout de mon jardin. J'ai longtemps rêvé du jardin d'en face, d'au bout, d'au-delà l'horizon. Enfant, le Nord m'a tiré. La première fois que mes parents m'emmenèrent au Nord, j'avais 8 ans dans une Peugeot 202, assez basse de l'arrière pour déloger les poules de leur nid, ce dut être aux alentours de 1947. Orchi, la chicorée d'Orchi. J'ai retenu le nom comme si c'était aujourd'hui. Nous allions visiter un oncle de mon père qui avait été trépané lors de la Grande Guerre. Grande par opposition à la petite, comme chacun sait, et qui avait une plaie mal recousue à peau rosacée, là où était entrée la balle, au milieu du front. « Je vais au front, pan !» Oh, il ne me rate pas, les douaniers chasseurs allemands d'en face, au beau mi-temps du front. « Bravo, bien visé. Je sens que j'ai 2 lobes, peut-être même 3. Je reviens chez moi, traînant ma cervelle par terre, et l'on me dit de tous côtés, « Ah, on voit que vous êtes allé au front !» Ceci n'est pas encore une histoire belge juste frontalière. Ce qu'il y a bien avec la Belgique, c'est qu'on peut en sortir autant de fois qu'on veut. Au besoin, plusieurs fois dans une même seule journée par plusieurs côtés, sans le vouloir comme en le voulant. Là est l'insolite. L'insolite dans le solide. Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Jacques Bonnafé qui lisait des poèmes de Jacques Darras dans La Compagnie des auteurs, une émission consacrée cette semaine à Marguerite Yourcenar. Merci à vous, Josiane Savigno. Je rappelle que votre biographie de Marguerite Yourcenar est disponible en folio et qu'elle s'appelle « L'invention d'une vie ». Cette émission peut être réécoutée en podcast sur le site internet de France Culture. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier. Demain, suite de notre voyage yourcenarien, je reçois Sylvia Baron-Supervielle et Anne-Yvonne Julien pour parler de la correspondance et de l'œuvre noire.